Chapitre 21e, réunis. Comme ils s'engageaient sous le trottoir, une bagarre éclata entre des gens qui, depuis un moment, discutaient. Les curieux, prenant, sans savoir pourquoi, parti pour l'un ou pour l'autre, augmentèrent le tumulte. Les vénérables Shipper et Darling furent pris dans le mouvement de la foule. Nous savons que cette bagarre n'était suscitée que pour cela. Affolés, cahotés, ils serrèrent entre eux leur petite fille. Dans la bousculade, très bien conduite, on les empêcha de fuir, on les retint. Et on les poussa vers une voiture automobile qui stationnait là. C'était la manœuvre commandée par Paulin Broquet qui s'exécutait admirablement sous ses yeux. Lui-même et Gabriel tenaient chacun de côté le vénérable Shipper et sa digne épouse, qui, d'une main crispée, s'attachait à Darling. Paulin Broquet les entraîna vers cette voiture. Dans la voiture automobile, une dame en deuil se tenait. La dame en deuil ouvrit la portière à ce moment. Promptement, Paulin Broquet et Gabriel poussèrent les Shipper et Darling dans la voiture. Voyant une dame en deuil, le pasteur et sa digne épouse, si méfiants, acceptèrent cette invite, cette offre qui leur semblait le salut. Ils entrèrent dans la voiture, remerciant la dame en deuil. Ils placèrent Darling entre la dame en deuil et Mrs. Shipper dans le fond. Le vénérable Shipper s'assit sur le banc de devant, en face de la dame en deuil. Et sur l'autre banc de devant, en face de Mrs. Shipper, vint tout à coup, poussé par la bagarre, affolé, ne pouvant faire autrement, prendre place une dame élégante, dont sous la voile épaisse, on ne pouvait distinguer les traits. C'était Miss Eden. Alors, la portière fut fermée. Le Woodman embraya, et un homme qui se trouvait à côté de lui arbora sur le haut de l'automobile un drapeau blanc orné d'une croix rouge, comme en ont les ambulances. L'automobile démarra aussitôt, tandis que le timbre résonnait. Au son du timbre, à la vue du drapeau à croix rouge, on s'écartait aussitôt, comme il est de règle pour les voitures d'ambulance ou les camions des pompiers. Le barrage s'ouvrit pour cet automobile qui fila une allure qui n'est permise qu'à ces véhicules spéciaux. La voyant s'éloigner, disparaître, Paulin Broquet dit à Gabriel « Ça y est, mon garçon, Darling est à nous. Elle est entre les mains de sa mère. Dans 5 minutes, la voiture s'arrêtera dans la maison de Neuilly, et là, Darling, Miss Eden, se trouveront absolument à l'abri de tout danger. » Puis, s'éloignant, tandis que la bagarre continuait de plus belle, il ajouta « Maintenant que nous avons sauvé ce trésor d'enfant, allons travailler pour le roi de Prusse et sauver l'autre trésor. » L'automobile roulait à toute vitesse. Miss Eden ne se souciant nullement du chemin qu'elle parcourait. Que lui apportait le chemin? Elle savait que le chauffeur avait des ordres, qu'il se dirigeait vers la propriété de Paulin Broquet. Elle se rappelait que là seulement, les portes de la villa franchies, elle pourrait révéler à Darling qui elle était. Le long de la route, elle dévorait des yeux Darling, sa fille. En elle, son âme s'exaltait. Elle brûlait du désir de presser l'enfant sur son cœur. « Darling, my darling », se répétait Miss Eden. Et Darling, qui pas un moment ne porta son attention sur la dame en deuil, tenait les yeux que sur la nouvelle voyageuse. Elle ne voyait point son visage et cependant elle lui souriait. Un chaos fit sauter la fillette sur la banquette. D'instinct, elle tendit la main. Sa main rencontra celle de Miss Eden, qui en même temps s'était tendue vers elle. Les deux mains se touchèrent, se prirent, et Darling abandonna sa petite main comme dans une caresse. Et Miss Eden tressaillit. Il est des serments de main qui valent un baiser. Quelle joie pour la mère, quel supplice aussi. Sa darling, la voilà devant elle. Elle voit ses yeux bleus, elle voit ses cheveux d'or, elle répond à son sourire. Elle sent son souffle d'ange, la tiédeur de sa main. Elle est là. Un mouvement à faire, un geste, et l'enfant se trouverait sur son sein, dans ses bras. Cependant, Miss Eden doit se contenir, elle l'a promis, il faut qu'elle obéisse. Paulin Broquet le veut ainsi, c'est la consigne. La mère donne là, dans cette voiture, devant cette fillette qui l'ignore, devant ces braves gens, ne pouvant rien soupçonner, le plus bel exemple d'énergie, de volonté, de domination de soi-même. C'est de l'héroïsme, c'est admirable. Toutes les mères en comprendront la grandeur. Enfin, après une course folle, la voiture dont on avait depuis un moment cessé de faire résonner le timbre et amené le drapeau à croix rouge des ambulances, modéra son allure. Le vénérable Shipper regarda par la portière. C'est Garche ici ? Demanda-t-il. Ni Miss Eden ni la dame en deuil ne répondirent. On ne pouvait voir au dehors. Les vitres de l'automobile étaient finement dépolies par en bas jusqu'au milieu. Le haut permettait de voir seulement la succession des arbres, mais rendait très difficile la reconnaissance des lieux où l'on se trouvait. Cependant, comme la dame en deuil ne bougeait pas, comme l'autre voyageuse ne semblait pas inquiète, Master Shipper et sa digne épouse ne sentirent en eux aucune appréhension. Peut-être pensèrent-ils que l'automobile reconduisait chez elles ces deux dames. Une grille s'ouvrit devant la voiture qui pénétra dans une villa, roula sur un chemin sablé et s'arrêta enfin tout près d'une maison encadrée de grands arbres. Aussitôt les portières s'ouvrirent d'elles-mêmes. « Nous sommes arrivés, » fit Miss Eden. Alors, joyeuse, elle poussa un cri. « J'ai obéi. Ma consigne finit là, je puis parler. » Vivement, elle souleva son épaisse voilette. « Darling, » s'écria-t-elle, « regarde-moi. » Darling presque aussitôt répondit par un cri joyeux. « Oh, Miss Eden !»« Oui, ma chérie. » « Mais je suis ta mère. » Darling tressaillit. « Vous ? Vous ? Vous, ma mère ? » ?»« Oui, my darling, oui, ta maman. » L'enfant, avant que le vénérable Shipper et sa digne épouse, absolument stupéfaits, eussent pu penser seulement à l'en empêcher, à la retenir, s'élançait dans les bras de Miss Eden en criant de toute son âme « Oh, que je suis heureuse que ce soit vous, ma maman !» L'enfant avait compris, avait deviné. Elle se donnait en toute confiance. Car d'un coup d'œil, elle avait vu les yeux de Miss Eden, et c'étaient ses yeux à elle. Les cheveux de Miss Eden, et c'étaient ses cheveux à elle. Le sourire de Miss Eden, et c'était son sourire. Enfin, elle lui ressemblait tant, elle, Darling, à Miss Eden, que Darling ne pouvait douter une seconde que Miss Eden fût sa mère. Et comme déjà elle aimait beaucoup Miss Eden, vers qui elle se sentait attirée par une affection irrésistible, c'est avec bonheur que Darling apprit que cette Miss Eden était sa maman. Alors ce fut une minute d'exquise tendresse et un échange de baisers, une communion d'âme. Ma maman, my darling. Les bons parents Shipper roulaient des yeux ahuris, ils ne comprenaient rien à tout cela. Tous ces événements, la bagarre, le voyage en auto, l'arrivée dans une villa inconnue, cette femme qui se disait soudain la mère de leur darling, tout cela leur semblait fantastique. Vraiment, il y avait de quoi troubler des cerveaux mieux préparés que les leurs aux surprises de l'existence la plus mouvementée. Et comme ils regardaient cette femme contre laquelle, à vrai dire, maintenant ils pensaient à se dresser, ils virent que cette Miss Eden ressemblait si grandement à leur darling qu'on devait la croire quand elle disait à l'enfant « My darling, je suis ta maman ». Mais Miss Eden comprit qu'elle ne pouvait demeurer plus longtemps dans cette voiture. Elle tendit la main au vénérable Shipper et à sa digne épouse. « Je sais, leur dit-elle, combien vous avez été bons pour ma darling. Je veux que si aujourd'hui elle retrouve enfin sa mère, vous soyez toujours comme autrefois, ses bons parents. » Puis elle ajouta, « Vous n'avez pas à craindre de représailles de l'homme qui, après m'avoir volé ma fille, l'a remise en vos dignes mains. Vous êtes ici en sécurité. Nous sommes ici chez le grand détective Paulin Broquet. » Puis, sautant à terre, elle se retourna pour prendre Darling dans ses bras et la descendre de voiture. « Viens, mon enfant, » lui dit-elle. « Viens remercier cet homme de cœur à qui nous devons ce bonheur d'être réunis. » Elle descendit Darling de l'auto, rayonnante, heureuse, croyant marcher dans les nuages et respirer le bleu du ciel. Elle se dirigea vers deux hommes qui descendaient du perron de la villa. Les deux hommes, qu'elle apercevait seulement à travers un massif de fleurs tout à coup près d'elle, apparurent. Miss Eden courait vers eux, tenant Darling par la main. « Mon cher ami » commença-t-elle, mais soudain elle s'arrêta, comme clouée au sol. Les deux hommes tirèrent leur chapeau très poliment, saluèrent en souriant, firent le meilleur accueil. « Ma chère amie, » dit l'un d'eux, « vous êtes la bienvenue chez moi. » Miss Eden poussa un cri d'effroi. « Zigomar !»